Bonjour à tous, Donald Trump va-t-il taxer l'acier européen? Y a-t-il vraiment eu un viol sur le tournage du prochain Koh-Lanta? Pourquoi la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule? Neymar va-t-il rester au PSG? Tant de questions auxquelles nous ne répondrons pas aujourd'hui. Puisque vous êtes dans le podcast de la critique du cinéma vu par des scénaristes, bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 5. Après avoir déglingué le cinéma japonais la dernière fois, on continue notre tour du monde avec au programme aujourd'hui un film allemand nommé La Révolution Silencieuse. On partira en Espagne pour Everybody Knows et on finira aux États-Unis avec Death Switch. C'est Guillaume au micro et pour parler de tous ces films, j'ai autour de la table ma petite équipe d'Erasmus, à savoir Fiona, Rumix, Armand et Sarah. Démarrons avec le courrier des lecteurs. Devant le nombre incalculable de mails que j'ai reçus, j'ai décidé de l'annuler, pour cette fois, histoire de ne pas faire de jaloux. Bon, d'autres termes, on n'a rien reçu, mais je m'en fous. Je vais continuer à insister jusqu'à ce que ça marche. Après tout, la persévérance est une grande partie de notre métier. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence avec Everybody Knows, écrit par Asghar Farhadi, et c'est Sarah qui nous le pitch. Alors, c'est l'histoire de Laura, jouée par Penélope Cruz, qui rentre dans son village natal en Espagne pour le mariage de sa sœur. Et lors de la cérémonie, sa fille aînée, Irénée, 16 ans, est enlevée. Alors là, c'est une course contre la montre qui démarre pour réunir la rançon que demandent les kidnappeurs. Son principal allié dans cette quête, ça va être son amour de jeunesse, Paco, joué par Javier Bardem, à qui elle va finir par avouer qu'il est en fait le père biologique d'Irénée. Un secret de polichinelle, donc, comme l'indique le titre, puisque tout le monde le savait. Ah, c'est ça que veut dire le titre. Je n'avais même pas compris. Tout le monde le sait, mais en fait, pas tout le monde. Non, en fait, pas tout le monde, mais puisque le Paco lui-même ne le savait en absolument. Fait, personne ne le savait, tout à part la mère. Tout le monde s'en doutait, sauf lui. Voilà, et sa femme. Ah, j'avais même pas saisi ça. Non, parce qu'au début, je me suis dit, c'est un film où il va rien se passer. Parce que le début est incroyablement long. Et en fait, il se passe quelque chose, mais on s'en fout. C'est comme s'il se passait rien, en fait, ce film. Je ne suis pas d'accord. J'aurais tendance à dire que il pourrait se passer, en fait, quelque chose qu'on attend, en fait, très longtemps. Malheureusement, je trouve que les promesses du film ne sont pas tenues, en fait, à 100%. Quelles étaient les promesses du film pour toi ? Eh bien, en fait, une espèce d'explosion, en fait, de la famille, tous les non-dits qui finissent par créer tellement de tensions qu'il y a une grande révélation ou des grandes révélations. Et le problème, c'est que tout le monde sait déjà, comme le dit le titre. Ou plutôt, je pourrais dire, everybody understands, mais pas le public. Parce que, en fait, on a un problème. Je trouve qu'on a un problème de compréhension. Moi, j'aurais aimé, parce que c'est pas un problème d'attention, parce que j'ai vraiment, vraiment essayé. Mais au début, pour comprendre qui était qui dans la famille, vraiment, j'aurais voulu plus d'informations. J'aurais espéré plus d'informations et j'aurais espéré globalement, pour juste résumer ma pensée du film, que en fait, ce qui aurait dû exploser, j'aurais vraiment aimé que ça explose, alors que j'ai l'impression que ça reste beaucoup dans le non-dit et dans le secret. Ok, Rumix. Bah, moi, ce que tu dis, Armand, je suis d'accord avec toi et je pense, enfin, je l'ai déchiffré comme ça, je pense que c'est un film qui est hyper efficace en termes de structure. On comprend, les enjeux sont clairs, l'objectif est clair et tout, mais ça manque d'émotion. En fait, c'est assez mécanique et enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. Je me suis dit, bah oui, on comprend, tout est très clair, mais c'est sec quoi. Ça décolle pas vraiment en termes d'émotion. C'est efficace, mais on n'a pas beaucoup d'empathie, je trouve. Fiona ? Alors, l'empathie manque un peu, mais je trouve que la structure manque aussi quoi, parce que. En fait, le premier acte est très long, mais pas désagréable. Moi, pour le coup, j'ai vraiment apprécié voir ces scènes de mariage. T'as un peu envie d'être avec eux, même si ça te raconte pas grand-chose, mais tu te dis, eh, c'est chouette, je voudrais bien participer. Et puis après, bon, vient le drame. Là, je trouve qu'il y a une bonne énergie qui se met en place, mais après, on reste là-dessus. Mais pendant des heures, on reste sur cette... Oui, il y a des longueurs. Sur cette longueur-là, et en fait... Le film se termine au moment où en fait ça aurait dû être l'acte 3 qui commence. On apprend que c'est la sœur de Penélope Cruz qui a organisé cet enlèvement pour récupérer de l'argent. Alors, est-ce que tu penses que c'est sa sœur ? Parce que je pense que c'est ça un énorme problème, c'est que j'ai interrogé quand même 5 personnes à la sortie du film pour savoir qui avait enlevé cette fameuse Irénée, et personne n'est d'accord. C'est-à-dire qu'on a soit c'est sa sœur, soit c'est sa nièce, c'est-à-dire la fille de sa grande sœur, soit c'est la domestique, c'est-à-dire l'employée de maison qui s'occupe des draps de l'hôtel, soit c'est sa cousine. Personne n'était d'accord, personne n'avait compris qui c'était en fait. Alors, non, pour moi, c'est bien sa sœur. On la voit dans la scène où elle vient voir sa petite nièce dans le berceau, elle lui dit « Oh, quelle mignonne, cette petite gamine !» Et elle lui dit, alors, avec Gabriel, elle dit « Il m'a quitté, on se sépare, et il part à Berlin. » Enfin, si j'ai bien tout suivi. Et pour moi, à ce moment-là... C'est sa nièce, justement. Tu vois, c'est sa nièce. Ok, en alors fait, effectivement, c'était pas clair. En fait, Penélope Cruz, elle a deux sœurs, celle qui se marie, qui va passer le pire mariage de l'histoire, et celle qui tient l'hôtel. Celle qui a l'air d'avoir 120 ans. Là. Voilà. C'est sa sœur. Oui, je pensais que c'était sa mère. Ouais. C'est elle la sœur, d'accord. Il y a un problème de compréhension, comme disait Armand, sur qui est qui dans cette famille. Et du coup, c'est vrai qu'au moment de la révélation, quand on comprend enfin que c'est cette jeune fille qui a enlevé Irénée, ça tombe complètement à plat, parce qu'on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est par rapport à Pénélope, et du coup, enfin à Laura. Et du coup, on ne comprend pas exactement pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé cette fille par rapport à elle. C'est-à-dire qu'on comprend qu'ils avaient besoin d'argent, mais de là à enlever la gamine de ta nièce, de ta tante. La gamine de ta tante ou de ta sœur, puisqu'on est, personne n'est sûr. J'ai cherché sur Wikipédia, sur partout, on ne sait pas vraiment qui est cette personne. Oui, ils n'ont pas de nom de famille. Et en fait, moi je trouve qu'il y a un problème majeur dans ce film. Je trouve qu'en fait, j'ai des millions de choses à dire sur le film, donc je vais essayer juste de soulever peut-être ce qui m'a gêné. Je trouve que bon, c'est un polar doublé d'un film vraiment, avec une opposition sociale très forte entre, au sein de la famille, entre ceux qui sont restés dans ce village et qui n'ont pas réussi, qui ont acheté cet hôtel dans lequel personne ne vient d'après eux, etc. Et ceux qui ont réussi, qui sont donc Laura, qui est partie en Argentine fonder sa famille et qui a soi-disant réussi, et Javier Bardem, qui a repris les terres de la famille et qui les a exploitées avec succès. Et en fait, tout ça, c'est en fait le sujet du film, j'ai l'impression. Enfin, cette opposition entre les riches et les pauvres, entre les jaloux, ceux qui ont réussi, etc. Or, je trouve que c'est pas très très bien exploité et que, en fait, c'est pas assez bien amené, en tout cas par rapport aux ravisseurs. Je trouve qu'il y a vraiment un échelon qui manque. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Je suis d'accord avec toi, et en fait le fait que tu le présentes comme ça, je me dis ah oui, effectivement ça devait être ça dont on parlait le film. Mais c'est vrai que même si on le perçoit, on l'intègre pas que c'est vraiment de ça qu'on nous parle. Et non, le vrai problème, c'est que ce soit sa sœur ou sa nièce, bon, je sais pas si c'est important, je comprends mieux pourquoi la vieille a pas dénoncé, parce que du coup c'est sa fille, donc oui. Du coup là ça met plus de sens dans ma tête, donc c'est plus logique. Mais en revanche, moi je crois qu'il croyait que c'était sa sœur. Normalement l'émotion elle aurait dû être là, de dire sa sœur lui fait ça. Sa sœur enlève sa gamine. Quoi. Mais effectivement, il manque vraiment de savoir pourquoi, quel est son problème, etc. Et surtout, moi, ce qui me manque encore plus que ça, c'est de savoir ce qui va se passer. Enfin, c'est après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand Penélope Cruz va découvrir que sa, du coup, nièce lui a fait ça. Bah, elle le découvrira peut-être jamais, en fait. Si, à la fin du film. Du film, c'est donc la sœur de 150 ans de Penélope Cruz qui qui le dit à son mari. Qui va le dire à son mari. Assieds-toi. Oui, assieds-toi, on la voit. Non, mais on se doute bien qu'il ne va pas parler du repas d'hier. Elle va lui confier ça. Et en plus, le film s'arrête là. On ne sait pas à quel point elle va lui dire, à quel point. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette révélation? Est-ce que ça va lancer une nouvelle phase de secret dans cette famille de Everybody Knows? Et peut-être qu'au prochain mariage, dans 80 ans, ça va encore ressortir. On n'en sait rien, mais. Moi, ils le disent pas, parce que ce n'est pas de ça que parle le film. Oui, Vous dites, Sarah a raison. Ce que le film aurait dû parler, c'est la tension des familles. Et pourquoi pour moi ça ne marche pas, c'est parce que le grand-père, qui est un ivrogne dans un bar, qui dit mais j'aurais pas dû vendre mes terres et vous m'avez spoilé tout ça. La trame principale du film, c'est est-ce que je vends mes terres pour sauver la fille de mon amour de jeunesse. C'est ça le gros dilemme du personnage alors principal. Alors que c'est pas le personnage principal, c'est ça le problème. Et en plus, on s'en fout. On n'en a rien à foutre que tu vendes des terres. Alors pour le coup, une chose vraiment réussie dans ce film, c'est le dilemme de Javier Bardem. C'est-à-dire que c'est celui qui a vraiment un dilemme. C'est-à-dire que soit... Je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'attends, il est amoureux de sa femme. Le couple va bien. Et on lui annonce que cette fille est sa fille biologique. C'est en gros, est-ce qu'il va prendre le risque de tout perdre, c'est-à-dire sa femme qui s'oppose à tout ça, ses terres qu'il a mis 7 ans à cultiver pour les valoriser, pour sauver cette fille de la mort, quoi. C'est à quel point il est concerné ou pas. Je trouve que lui, il a un vrai dilemme. Je trouve. Armand. Pardon. Enfin, moi, je pense que ce dilemme, il est bien, mais en fait, il devrait pas être le centre du film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le point fort, mais quelque part, il est trop exploité. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'au lieu d'avoir juste des terres à vendre, j'aurais aimé en fait que le personnage principal depuis le début, ce soit Javier Bardem, qui en fait ne peut pas régler le problème de la rançon tout seul, donc il enquête pour essayer d'arriver à ça. Mettons qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la famille qui puisse régler le problème de la rançon avec des sous, mais qui refuse. Javier Bardem se dit, bon, bah, il faut que je trouve les ravisseurs parce que sinon la personne va mourir. Et qui découvre au fur et à mesure les ramifications, les secrets, et qui découvre à la fin que c'est sa propre fille, et je sais pas, que peut-être cette personne qui a le pouvoir d'arrêter, ils réussissent enfin à la convaincre en lui disant, écoute, c'est ma fille, sauve-la, mais là, en fait, il a déjà la solution, on l'empêche un peu mollement de le faire, on l'empêche un peu mollement de résoudre le problème. Il n'est pas le personnage principal, donc des fois c'est un peu Penélope Cruz qui prend le dessus, et elle détient la vérité, donc on s'identifie pas à elle parce que elle nous sort un secret que nous on connaissait pas, donc c'est un peu, j'aurais préféré que ce soit centré peut-être un peu plus sur lui. Attends, Fiona. Non, justement sur cette histoire de rançon, ben j'ai aussi du mal parce que, bon, déjà, avant même de découvrir que c'est sa fille, il est déjà très impliqué et déjà en vrai prêt à le faire. Oui. Hein. C'est pour ça que déjà, c'est pas pour moi un cap assez fort, quoi, parce qu'il était déjà vraiment impliqué. D'ailleurs, sa femme le lui reproche. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il s'en doutait un peu que c'était sa fille? Apparemment, non. Mais il est toujours amoureux de Pénélope. Voilà. Mais au-delà de ça, tu te dis, il y a une gamine qui risque de crever. Enfin, pardon, mais normalement, c'était ton ami d'enfance, etc., que tu peux l'aider, tu l'aides. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis trop gentille ou trop humaniste, mais même si, enfin, ça veut dire vendre tes terres, bah, tu les vends, il y a une gamine qui va crever, les gars, quoi. Et si je me fais kidnapper, tu vends ton appartement, Fiona, quoi. Toi, non, mais ça va. Non, mais un des autres problèmes de film, c'est qu'ils disent, faut surtout pas prévenir la police. Ils le disent à chaque personne qui croise. Je veux dire, c'est un petit village, je pense que les flics, une heure après, devaient être au courant. C'est impossible que la police soit pas au courant. Enfin, c'est des vraies pipelettes, enfin, c'est un petit village, c'est normal, mais tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Les flics auraient dû intervenir, à mon avis. En fait, excuse-moi. Vas-y. Ouais, non, oui, j'allais juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Armand, sur le point de vue. Ouais, ça m'a dérangé. C'est que on passe d'un coup, on est sur Pénélope, d'un coup, on est sur Javier Bardem, et quand elle lâche que c'est sa fille, ce qui, d'un côté, est hyper prévisible et hyper soap, et enfin, ça m'a vachement déçu perso, ça arrive un peu quand bon tiens là on commence à s'essouffler, allez hop on fait une relance, c'est ta fille, c'est je pense qu'au contraire c'est le cœur du film, c'est vraiment ça qu'il a voulu raconter, ça, hein. Et du coup ça fusionne les trois histoires, j'ai l'impression, qui se développent dans ce film, qui sont l'histoire polar, l'histoire d'amour entre les deux anciens amants, donc Pénélope et Javier, et l'histoire de lutte des classes, de tensions familiales sur ceux qui ont réussi, ceux qui ont raté. Et je pense que peut-être qu'il a voulu raconter trop de choses, parce qu'en fait, moi je pense qu'il y aurait peut-être eu une solution pour tout faire fonctionner. Ah, alors, on t'écoute. Attention. Non, mais parce que en fait, moi, ce qui m'a le plus dérangé, je pense, et vous parliez d'un problème d'empathie, c'est le personnage de Irénée. C'est-à-dire qu'au début, elle est présentée dans de multiples scènes comme une gamine qui est en fait casse-cou, qui est, et d'ailleurs sa mère s'en fiche un peu, enfin voilà, parce que c'est bien la fille de son père, mais Javier Bardem, évidemment pas Ricardo Darín, qui est son père, qui l'a élevée, etc. Et en fait, j'avais pas beaucoup d'empathie pour ce personnage parce que je trouvais que déjà, c'était assez répétitif. Elle est prête à faire de la moto, elle est prête à faire ceci. Enfin, voilà. Et en fait, on t'a plus envie de lui mettre des claques que d'essayer de la retrouver. Oh, vous exagérez. Si, non, mais attends, regarde. Ça n'illustre. En fait, moi, le problème, c'est que ça n'illustre pas la thématique. C'est-à-dire qu'en fait, si ça avait été une gamine qui avait été bien la fille de son père qui l'a élevée, c'est-à-dire Ricardo Darín, qui avait représenté le succès, je sais pas, une gamine qui lit beaucoup, qui est promise à de grandes études, à un métier passionnant, j'en sais rien. Non, mais tu vois. Call me by your name, mais en Espagne. Ouais, mais voilà, ça risque beaucoup plus de rendre jaloux et de montrer le gouffre qui s'est creusé entre la famille qui vit en Espagne dans le petit village et ceux qui sont partis et qui auraient réussi. Et là, tu pourrais comprendre la jalousie de la sœur qui doit s'occuper du vieux père, etc., contre Pénélope qui est partie et qui a la belle vie. Tu comprendrais plus, bah, moi, toute ma vie, mes enfants, ils vont faire quoi ? Ils vont changer les draps dans l'hôtel, alors que elle va faire des grandes études, un beau mariage, etc. Enfin, alors que là, en fait, il n'y a tellement pas de différence au sein de la famille qu'on ne comprend pas, enfin, cette jalousie qui va jusqu'à enlever la gamine de ta cousine, de ta sœur ou de ta tante, en fait, est pas assez illustrée, je trouve. Et mais attends, changer la caractérisation de la fille, de Irénée, aurait beaucoup aimé. Oui, mais justement, te donne la parole, Fiona, ça part du principe que la rumeur dit que le mari de Pénélope est un mec qui réussit extrêmement bien en Argentine et qui est pété de thunes, alors qu'on découvre plus tard, c'est encore une révélation, qu'il est au chômage. C'est un problème. Ouais, donc, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que à ce moment-là, il fallait pas jouer ce mec qui est alcoolique, qui était alcoolique qu'il en tout cas. Il a été avant la naissance de Irénée. Avant, ouais. Mais qui est au chômage depuis 2 ans finalement. Donc là, il joue aussi avec les apparences finalement et on pense qu'ils ont réussi et finalement non. C'est un peu compliqué. Et par contre, moi, je suis pas contre le fait d'avoir une je vais l'appeler Irène, moi, parce que une Irène casse-cou est peut-être bon, je l'ai pas trouvé désagréable, mais pas forcément la plus adorable des filles, parce que justement moi j'en ai un peu marre dans les films quand il y a un personnage qui se fin comme quand on pourrait pas avoir d'empathie si une gamine est insolente et elle se fait enlever. Non, mais c'est ta gamine. Enfin, oui, à partir du moment où quelqu'un se fait enlever. Mais le spectateur, je trouve, n'a pas énormément d'empathie sur cette gamine. Oui, mais en même temps, c'est bien, c'est une adolescente, c'est normal qu'elle vive sa vie et je trouve ça plus réaliste que justement de la fille parfaite qui dit mais merci maman. Et encore, elle le fait un peu. Hein. Elle prend sa mère dans ses bras, elle est câline avec sa mère. On voit qu'elles ont une relation assez proche quand même avec son père, avec le chien. Enfin, on te la montre quand même, c'est pas une sale gosse, quoi. C'est juste une gosse pas intéressante en fait, pas tant que ça. Enfin, en tout cas, après, sur un tout autre sujet. Vas-y Marine. Ouais, non, je vais juste par rapport, en fait, pour revenir sur tout ce qui est émotion et tout, moi je trouve que ça manque. Enfin, les motivations, au final, tout ça, c'est pour l'argent. Et ça m'intéresse pas, je crois. Et c'est très. Kidnapping en général, c'est pour l'argent. Hein. Non, et mais genre, l'argent, fait... ça t'intéresse pas. Non, mais en fait, pourquoi tu es scénariste, ce qui m'a dérangé, hein, c'est que ça sort un peu de nulle part, cette fille. Ça rejoint ce que tu dis sur la. Moi, ma fille, elle va faire des draps, alors que l'autre, la gamine, elle aurait pu avoir un avenir brillant. En fait. Même le personnage de cette fille, la nièce de Pénélope, qui est à l'origine du kidnapping, on la voit très peu. Et d'un coup, en fait, c'est elle, la grande méchante. Enfin, elle n'est pas du tout bien amenée. On a pas du tout de soupçons sur elle, mais tellement pas que quand c'est elle, tu fais « Hein ?» Ah ouais, ok. Enfin, et puis avec ce... Ils sont plusieurs, au final. Son mec et le coiffeur, qui est le gars là, qu'on a vu vite... Oui, qu'on a vu, une fois dans une scène. Le petit copain de Irénée, c'est pas lui. Non, mais je me suis demandé, je crois que c'est pas lui, en fait. Ah bon, moi, je n'ai pas compris. Mais j'étais persuadée que c'était lui. Dans le trio qui est à l'origine du kidnapping, il y a donc ce mec qu'on a vu dans la Casa des Papels, hein. Ah oui, trop loin. Mais oui, mais bien sûr. Qui a un rire absolument affreux. Ah, c'est lui, mais oui, celui qui couche, voilà, avec la blonde. On spoil, on spoil. Et ce mec-là, on le voit dans une scène de coiffeur où ça dégénère justement parce que. De coiffeur ou de. Non, de bar. C'est quand il veut couper les cheveux du père. Oui, voilà, c'est ça. On le voit une fois. Je me souviens de cette scène. On le voit une fois et ce mec-là, en fait, fait partie du trio qui a kidnappé la gamine. Tu dis. What the fuck? C'est complètement déconnecté du reste. Ok, Fiona, on va finir avec toi. Je me suis juste demandé, même si en fait il n'y avait pas. On parlait de protagoniste, il y a une erreur de protagoniste. Est-ce que le film n'aurait pas été plus intéressant si ça avait été du point de vue de la ravisseuse, en fait? Je me suis même demandé ça. Je sais pas, c'est un autre film. Ça aurait été complètement un autre film. Oui, mais là par rapport. Moins polar. Moins polar, ouais. C'est Faraday, pardon. Faraday, lui-même dit, j'aime que le spectateur, il en parle comme un polar en fait, mais malheureusement, moi j'aurais aimé qu'il aille plus dans le polar et qu'il mette vraiment des fausses pistes et des coups de théâtre, et en fait là en fait il y en a un ou deux gros et il se perd un peu, je trouve, dans les différents suspects et les différents personnages, les protagonistes, il y en a plusieurs en fait. Films qu'il fait Faraday, enfin je les ai pas tous vus, mais j'aimais beaucoup avant, c'est un peu une impression de recyclage. Quand je vois Everybody Knows après une séparation ou à propos d'Elie, ou même le passé, tu te dis, en fait, il fait toujours la même chose, ses intrigues à tiroir et tout, avec les secrets. Et c'est, alors d'un côté, c'est efficace. Moi, j'avais j'avais envie de savoir. Hein. Jusqu'au bout, j'ai eu envie de savoir qui avait kidnappé la gamine. Donc t'es quand même, tu t'en fous pas. Mais est-ce que t'es pas happé parce que les acteurs sont extrêmement talentueux parce que c'est ça qui sauve le film. Ouais, c'est ce qui fait que quand je suis sortie, je me disais bon, ouais, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui fonctionnaient pas, et en même temps, j'étais ah, c'est un bon film du dimanche soir. Ouais. Si ça repasse, c'est, pas... c'est vrai. Mais oui, mais c'est en fait, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai bien aimé voir le mariage, alors que l'exposition est interminable au début, que je trouve que les personnages sont pas très bien caractérisés. Ben en fait, Javier Bardem et Penélope Cruz sont tellement exceptionnels, et tous les acteurs jouent bien d'ailleurs, j'ai l'impression que en fait, ça force complètement le film. Et pour finir sur une touche positive, moi j'ai bien aimé quand même cette espèce d'histoire d'amour avec tous ces petits symboles de, voilà, de gravures sous les cloches, de tout autour du vin, c'est le passé qui le bonifie, etc. Ça, j'ai trouvé ça un peu touchant. Attends, ça t'a plu la scène où il va expliquer à des gamins de 5 ans de devenir alcoolique, mes amis? C'était un effort thématique louable. Très bien. Bon, moi je vais quand même rendre hommage à, justement, alors je sais plus si c'est la mère, celle qui trouve que c'est la fille, qui en une scène se transforme en inspecteur Columbo. Oui. Il y a une fille qui rentre chez elle. Oh, tu étais où? À quel moment? Pourquoi? Mais tu as des traces sur des chaussures, dis donc. Tu as de la terre? Sur tu as de la terre, bah oui, il y a de la terre partout dans cette bourgade, évidemment. Quoi. Et d'un seul coup, hop, c'est bon, deux scènes, c'est réglé. Elle sort sa lampe à ultraviolet, son détecteur de sperme. Non, parce que là, mais c'est ça. Le mec a dû se dire merde, il faut que je boucle cette intrigue de polar. Bon, bah, je vais écrire deux scènes vite fait. Et puis, de toute façon, on va se concentrer sur le fait que c'était sa fille et que everybody knows. Et il y aura une confrontation finale parce que le film est trop long. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu avoir justement un effet Hercule Poirot avec justement le coupable est encore là. Enfin, c'est un peu ça, quoi. D'ailleurs, ils le disent, ou ce n'est pas un étranger. Mais tu sens dans les enlèvements comme ça, c'est rarement. Ou alors si l'identité du ravisseur avait été su assez rapidement dans la famille et que ça reposait sur on le dit pas, enfin voilà, quelque chose peut-être de moins classique. Ok, allez, tour final sur ce film, Fiona. Bah, un peu tout ça pour ça, malheureusement. Mmh, Remix. Bah, je le recommande, mais comme tu disais, Sarah, comme un film du dimanche, je trouve que c'est efficace, mais ça manque beaucoup d'empathie et pas mal de petits problèmes. Ok, Armand. Je dirais plutôt aller voir Une séparation qui est encensée et du coup je vais aller le voir. Très bien. Ah, donc tu l'as pas vu? Tu recommandes non. Un film que tu l'as pas vu? Non, mais je ne recommande pas Evie Debaninos parce que je me suis un peu ennuyée. Ok, ça va. Pareil, Une séparation était un chef-d'œuvre. J'avais adoré et là du coup j'étais très déçue. Moi je dirais allez-y si vous aimez Penélope Cruz et Javier Bardem parce que franchement ils sont fantastiques dans le film. Est-ce que ce film dit pas que si Plus belle la vie était jouée par des grands acteurs, ce serait une bonne série? Oui, exactement. Je pense peut-être qu'on peut dire ça. Peut-être. Allez, on passe à des Switch. Écrit par Joe Carnahan. Carnahan, je ne sais pas. Désolé si tu m'écoutes, mec, que j'ai écorché ton nom. Et c'est Fiona qui nous le pitch. Alors, Death Wish. À Chicago, où la criminalité fait rage, le docteur Paul Kersey, un chirurgien très demandé, puisqu'apparemment c'est le seul chirurgien du seul hôpital de la ville, mène une vie sans problème. Il file le parfait amour avec sa femme, si parfaite qu'elle ne bronche même pas quand il doit annuler un dîner d'anniversaire pour aller travailler. Ensemble, ils ont une fille parfaite, elle aussi. Belle et intelligente, elle vient d'être admise dans la fac de ses rêves. Seul ombre au tableau, Frank, le frère de Paul, qui est criblé de dettes et est contraint de lui emprunter de l'argent. Mais vous pouvez oublier cette information car elle ne sert absolument à rien dans l'histoire. Bref, Paul a une vie de rêve, mais tout bascule un soir où, alors qu'il travaille à l'hôpital, des cambrioleurs s'introduisent dans sa maison. La situation dégénère et la femme de Paul est tuée. Quant à sa fille, elle est dans le coma. Dépité de voir que la police n'a aucun suspect, Paul décide d'agir. À l'aide de tutos YouTube, il s'arme et décide... C'est vrai. Il décide de devenir un vigilante de la ville. Il traque les malfaiteurs et leur apprend une bonne leçon en les butant de sang-froid. Les habitants de Chicago débattent. Doit-on se faire justice toi-même? Bonne question. Quoi qu'il en soit, Paul ne s'arrêtera pas avant d'avoir retrouvé les responsables de la mort de sa femme. Et tant mieux, car la justice façon Kersey fait carrément baisser de moitié la criminalité à Chicago. Peut-être un élément de réponse à la question précédente. Alors si l'envie vous prend de voler un rouge à lèvres chez Monoprix, évitez de croiser la route du docteur Paul Kersey au risque de vous prendre une bonne balle dans la tête bien méritée. Oui, tu as pitché et tu as donné sur le film en même temps. Y a-t-il besoin de débattre maintenant? Bon, on est que deux à l'avoir vu, toi et moi, Fiona, donc ça va être vite fait. Je vais jouer les gentils flics, je vais faire croire que j'ai aimé ce film qui est pourtant une catastrophe, et je vais essayer de le défendre. En premier, on va parler du message du film, parce que, d'accord, on peut ne pas être d'accord avec ce message, qui est, comme tu l'as très bien dit, si vous avez un problème dans la vie, n'appelez pas les flics, achetez un flingue et réglez le problème vous-même. C'est ça, la morale du film, hein. C'est vraiment... c'est extrêmement bien. Mais... il faut quand même avouer que si tu pars du principe que c'est le point de vue du film, Le film porte extrêmement bien ce message. Ah oui, non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il tient son point de vue, mais vraiment d'une main de fer, quoi. Armez-vous jusqu'aux dents. Mais oui. Et il y a cette fameuse scène où il est avec son beau-père, qui sont tristes parce qu'ils reviennent à l'enterrement de sa femme. Et d'un seul coup, son beau-père pile. Et il y a des braconniers en train de tuer une biche ou je sais pas quoi. Et là, il sort son flingue et il se met à leur tirer dessus. C'est même plus de la légitime défense. Hein. Les mecs sont en train de s'enfuir en bagnole. Ils tirent et tirent et tirent. Et il dit cette phrase. Et il dit oui, mais quand t'appelles la police, le crime a déjà eu lieu. Oui, oui, oui, c'est ce qu'on appelle la dissuasion, tu vois. Sinon, on pendrait encore les gens sur une place publique. Ça ne sert à rien, quoi. Et Bruce Willis, là, au moins, je vais continuer dans les points positifs, la montée en puissance est lente, mais elle est plutôt bien faite. C'est-à-dire qu'il part d'un chirurgien qui sauve des vies, et comme tu dis, il regarde sur les tutos YouTube, mais ça, c'est très moderne. Si t'as envie d'apprendre quelque chose aujourd'hui, tu regardes des vidéos YouTube. Dès que j'ai besoin de faire quelque chose, Je ne critiquais pas, j'expliquais simplement. Je crois reconnaître un ton sarcastique quand même. Hein. Oh, légèrement, mais en même temps, ce film est, comment dire, alors au-delà du message que personnellement je trouve absolument ignoble et dégueulasse, qui est... Parce que tu n'es pas américaine. Oui, non, mais là, c'est même pas justement de la légitime défense, quoi. Vraiment, Oui. C'est complètement disproportionné pour tout, quoi. À la fin du film, la dernière image du film, la dernière scène. Donc il a décidé, c'est bon, il a retrouvé, il a buté les assassins de sa femme. Donc il s'est dit, j'arrête. Ah oui, la police, c'est ça qui est magnifique, la police a compris que c'était lui, mais bon, on ferme les yeux. Voilà, parce que finalement, parce il a assez souffert. Vous nous avez rendu service, quoi. Ouais, en gros, c'est vraiment ça. Donc il a renoncé à ça, il a fait la paix avec lui-même. C'est bon, il ne fera plus le super-héros de la ville. Et il est dans la rue et il voit un petit Chinois qui vole une valise sur un porte-valise d'un hôtel et qui se barre avec une valise. Et là, il tend ses mains comme si c'était un flingue et il fait mine de le buter. Ça veut dire que voilà, si jamais il n'avait pas eu les assassins de sa femme avant, bah ce petit Chinois voleur de valise se serait pris une balle dans la tête parce qu'il avait volé une valise. En fait, juste une question à moi qui n'ai pas vu le film, mais en fait, il tue qui ? Est-ce qu'il tue que les assassins de sa femme ? Non, alors non. Non, au début, c'est qu'il est frustré parce que la police ne fait aucun progrès. Sans moi, le traitement de la police, plutôt bien fait. C'est des gens qui sont dans un commissariat, ils sont débordés par les affaires, et ils disent, oui, on n'a pas d'indice, on a relevé les empreintes et on attend qu'il y ait un nouveau crime. Sauf Bruce Willis, c'est quand même le mec qui est tombé en die-hard, donc il ne laisse pas faire ça. Et donc, il décide de s'armer au cas où, un jour, il trouverait les assassins de sa fille. Sauf qu'en attendant... On va pas s'emmerder. Donc attends, c'est qui le premier mec ? Il faut se faire la main. Ah oui, et oui. Et donc ça commence. Il se balade au hasard dans la rue, parce que ça aussi, il y a énormément de déous. Il se balade au hasard dans la rue et il assiste à un carjacking qui peut être plus ou moins vrai, parce qu'ils insistent énormément sur le fait qu'il y ait beaucoup de criminalité à Chicago. Donc il assiste à un carjacking et puis au lieu de faire son citoyen normal et d'appeler la police, il sort son flingue et puis il bute les deux mecs qui ont volé la voiture. Et il les bute vraiment. C'est pas légitime défense, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui est par terre, qui s'est pris une balle dans le ventre, il arrive et il exécute vraiment d'une balle dans la tête, quoi. Et puis il va tuer. Et les gens le considèrent comme ça un héros. Évidemment, il y a quelqu'un qui filme et ça fait le buzz sur internet. Et après il se dit, putain, mais c'est efficace, parce qu'il est content qu'on parle de lui. Il regarde sa petite télé parce que, attends, point positif, il n'ose plus dormir dans sa chambre parce que ça lui rappelle trop sa femme, donc il dort dans le garage. Tu vois l'émotion du personnage, quand même. Non, mais c'est ça, c'est vrai qu'il a... Il a la capacité émotionnelle dans ce film, Bruce Willis, c'est un robot, quoi. C'est Terminator, le gars. Mais du coup, est-ce que c'est pas lié au titre, là, Death Wish, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a envie de mourir et qu'il a plus rien à perdre et qu'il va buter tout le monde. Non, il a envie de buter les autres, hein. Non, lui, ouais, il parle pas de mourir. Ah non, lui, aucun problème. À aucun moment, il envisage le suicide. Hein. C'est, non, aucun Death Wish, quoi. Ah bah apparemment, les tous les gens qui croient. Les gens qui ont le malheur d'être criminels à Chicago. Quoi. Et donc après, il entend parler d'un dealer de drogue qui s'appelle The Ice Cream, The Ice Cream Man, qui vend de la drogue, tout le monde le connaît. Et il arrive, alors c'est ça que mec, il a trois gardes du corps, les gardes du corps les plus nuls de l'histoire du cinéma. Et il arrive et il fait, oui, qu'est-ce que tu veux ? Il fait, je suis ton dernier client. Et là, il sort son flingue et il le bute. Voilà. Mais devant 15 témoins. Hein. Et il n'a pas d'obstacle, il n'a pas de... Pas spécialement, personne ne cherche à le buter, non, lui. Un moment, à la fin. Un moment, les flics commencent à s'intéresser à cette affaire de héros vengeurs masqués, enfin plutôt capuchés, parce qu'il a juste une capuche. Hein, oui, il a juste une capuche, oui. Voilà, mais c'est tout, et tout le monde s'en fiche. Et c'est juste... Voilà, au-delà du message qui est dégueulasse, le vrai problème aussi, c'est que c'est fait par des adolescents de 14 ans qui disent « Ah ouais, c'est cool, ah ouais, c'est cool » à toutes les scènes, mais c'est nul, quoi. Oh, c'est d'une nullité, tu peux pas imaginer. Oui, faut oublier de dire que c'est un remake d'un film de Charles Bronson des années 70. Donc c'est un film des années 70 en 2018. Ouais. Voilà. Mais non, par exemple, il y a un moment, il y a un split screen où tu le vois opérer d'un côté charger ses balles de l'autre côté dans son flingue. Voilà. Et donc tu vois comment les bistouris sont alignés, comment les balles et les instruments du flingue sont alignés. Ça me fait penser au fugitif, parce que le personnage du fugitif, Harrison Ford, était médecin lui aussi, chirurgien. Et ce qui était génial, c'est qu'ils utilisaient vraiment cette caractéristique. Mais bon, après lui, il cherchait vraiment l'assassin de sa femme. Il voulait le retrouver, il voulait pas buter tout le monde. Quoi. C'est peut-être ça la différence. Non, il voulait s'innocenter, alors que là. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est probablement le split screen moins subtil que j'ai jamais vu de ma vie, où vraiment je sauve des vies le jour et paradoxalement ou pas je tue des gens, mais peut-être que je sauve d'autres vies du coup. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vrai qu'avec son emploi du temps de chirurgien, on se demande où est-ce qu'il trouve le temps en fait d'aller tuer des gens. Quand est-ce qu'il dort, et Guillaume a cru à un moment que le frère qui est donc criblé de dettes avait lui-même organisé le cambriolage de la maison qui avait mal tourné. Et que ça avait mal tourné. Mais mon Dieu, Guillaume, tu es bien trop bon scénariste pour ce film. Ah, même ça, ça aurait été cousu de fil blanc. Mais au moins, ce serait passé quelque chose. Justement, le fait que le frère n'ait rien à voir et donc ne sert à rien dans le film, parce que c'est même pas lui qui lui dit tiens, j'ai un flingue et tout. Parce qu'on va parler des Deus Ex Machina. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un hôpital et un médecin dans cette ville. Comment il récupère son premier flingue? Parce qu'évidemment, il veut acheter un flingue, mais il voit bien que c'est très réglementé et que s'il tue des gens avec ça, on va remonter à lui. Comment il trouve son flingue? Il est en train d'opérer un latino qui s'est fait tirer dessus. Le flingue tombe à ses pieds, mais littéralement, c'est pas une façon de parler. Personne le voit, ils sont 15 dans la... Personne le voit, il récupère son flingue et c'est avec ce flingue qu'il va tuer des gens. J'ai envie de dire, la police... Les balles que vous retrouvez dans les gens qui tuent Bruce Willis devraient vous amener au mec et vous devez voir qu'il est allé à l'hôpital. Non, les flics sont vraiment nuls. Et après, comment ils retrouvent? Parce que les flics ne savent rien. Comment ils retrouvent les mecs qui ont tué sa femme? Le voiturier, parce qu'il y a un voiturier qui a donné l'adresse, eh ben, il se fait blesser et qui le soigne? Bruce Willis. Et il reconnaît sa montre qu'il est volée. Mais c'est le mec le plus chanceux de l'histoire du cinéma. Et il n'a pas enquêté, tout lui tombe, tout cru, dans les mains. Bon, c'est pas un film de scénario, mais est-ce que c'est un bon film d'action, au moins? Max, non. Je pense que si t'as 14 ans et que t'es américain et que tu te dis que les armes, c'est génial. Voilà, il faut aimer les armes. Voilà, et au-delà de ça, il y a pas de meuf à poil. Et justement, le fait que ça soit adressé à des. Je trouve, moi, que ça peut plaire à des adolescents de 14 ans américains, je trouve ça. En même temps, c'est pour ça qu'il est fait le film, mais c'est vraiment dangereux, quoi. Et pourtant, personne ne lui redonne goût à la vie. Non, il n'y a pas d'autre histoire. Non, sa satisfaction, c'est d'avoir tué l'assassin de sa femme, et puis voilà, quoi. Oui, parce qu'il découvre qu'ils sont trois, donc il va les tuer les uns après les autres, et puis il les torture... Quand tu disais qu'il utilise ses compétences de chirurgie, il torture un mec grâce à ses compétences de chirurgie. Il lui fait un trou avec le scalpel dans les côtes, et je sais pas quoi, il dit que c'est la douleur la plus horrible que quelqu'un peut... Puis il met de l'huile de moteur dessus pour... Voilà. Donc tu vois, c'est quand même pensé, c'est quand même écrit, ce film. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a rien. Bah, c'est financé par le lobby des armes, moi je pense. Hein. Par Trump. Non, mais honnêtement, ça devrait être. Je pense qu'il doit y avoir le logo de l'association LRA. C'est abject, c'est même pas un bon film d'action, c'est plein de clichés, c'est même pas un bon téléfilm, c'est vraiment horrible, quoi. Puis c'est mal écrit. C'est très mal écrit. On n'a aucune empathie pour Bruce Willis parce que. Vraiment, il n'a pas un regard émouvant dans le film, quoi. On lui dit sa femme est morte, il fait ta fille dans le coma, et la police, vous en êtes où? Très bien, bien, je vais aller m'armer. Non, mais ce qui aurait pu être intéressant et qui sont pour moi extrêmement maltraités, c'est justement ce que tu parlais tout à l'heure, c'est faut-il se rendre justice? C'est un débat qu'ils ont peut-être aux États-Unis. Nous, je pense qu'en Europe, on a réglé le problème, non? Mais justement, comment ils incarnent ce problème avec des micro-trottoirs? Je pense que c'est un débat qu'on a partout. Ça. Rappelle-toi toutes les affaires qu'il y a eu avec les types qui sont allés chercher en Allemagne, là, le type qui avait violé sa fille, etc. Enfin, tu vois, de se faire justice soi-même, essayer. C'est comme le je sais plus quoi, le bijoutier de Nice ou machin. C'est qu'à chaque fois, quand tu te fais cambrioler, etc., si tu tires sur quelqu'un, est-ce que tu as le droit de te défendre et tout? Je pense que pour le coup, ça, c'est un débat qui existe aussi en France. Je trouve que c'est un thème intéressant. Ouais, certainement aux États-Unis. Et comment il est traité, ce problème, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il remonte les mêmes interviews de la même radio en disant moi je suis pour, moi je suis contre. Voilà, c'est ça le débat. Ouais, c'est vraiment ça le débat. Et en plus, ça faisait un peu penser, je trouvais, au film de super-héros justement, où il y a toujours le journal qui dit Batman pour ou contre, Spider-Man pour ou contre. Sauf que tu te dis ouais, mais les mecs, tu vois, t'en veux à ces médias-là quand ils sont contre, parce que tu te dis ouais, non, on l'a vu, Spider-Man, il fait de son mieux, ok. Il tue jamais personne en plus. Et là, quand tu vois ça, mais je sais pas. En fait, vraiment, ils le mettent sur un même plan que Batman. Et oui. C'est vraiment dérangeant. Voilà, j'ai plus rien à dire sur cette grosse oui, daube. Je pense qu'on va s'arrêter qui là. Je pense que c'est le pire film de l'année, voire un des pires films que j'ai jamais vu. Moi, un point positif, ça donne envie de rejouer à Watch Dogs, pour ceux qui ont connu. Mais justement, j'allais te demander, est-ce que c'est pas écrit comme un jeu vidéo au final ? Absolument pas. Même pas. Mais absolument pas. Ça n'a rien à voir avec le monde du jeu vidéo. Attends, on va quand même faire le tour final, Fiona. On va respecter les règles. Donc, qu'as-tu pensé de ce film ? Je le vomis. Et ben, je pense que c'est probablement une des pires merdes que j'ai jamais vues de ma vie. Aussi. Et à la fin de l'année, on fera un top 10 des pires films. Et je pense qu'il y a de bonnes chances de finir sur le podium, celui-là. Ah ouais, ouais, juste à côté de Call Me By Your Name, mais vraiment pas loin, quoi. Ah non, mais c'est vraiment à côté. Vous reconsidérez Call Me By Your Name. Ah bah non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est bien. Hein. Vraiment, tu me dis à vie de regarder Call Me By Your Name ou revoir une seule fois Death Wish. À vie, tous les soirs. Tous les soirs, tous tu peux regarder Call Me By Your Name ou regarder encore une fois des Switch. Ouais, je réfléchis bien quand même. Je sais pas. Ouais, j'avoue, je sais pas, mais bon, il est dangereux ce film, n'allez surtout pas le voir. Allez voir Call Me By Your Name à la place de des Switch. Voilà, quand même. Allez, on finit avec un film comme on les aime, rempli de nazis. La révolte silencieuse et La révolte ou c'est la révolution ? La révolution. Pardon, excusez-moi. La révolution silencieuse, écrit par Lars Krohm et adapté du livre de Dietrich Gartzka et c'est Rumix qui nous le pitch. Alors, la révolution silencieuse nous amène en Allemagne de l'Est en 1956. Kurt, Théo et Lena ont 18 ans. Ils s'apprêtent à passer le bac. Et avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois qui sont réprimés par l'armée soviétique. Sauf que cette minute de silence va devenir assez rapidement un petit scandale au sein du lycée et grossir petit à petit, et elle va faire basculer leur vie face à un gouvernement allemand qui est déterminé à identifier et punir les responsables. Les 19 élèves de la classe vont être en plein dilemme. Doit-on craquer et dire la vérité ou doit-on prétexter qu'on faisait la minute de silence en hommage à un footballeur ? Voilà. Toute la question, c'est est-ce qu'on assume ou est-ce qu'on se dissimule derrière un prétexte ? Voilà. Exactement, c'est vraiment le cœur du film qui, pour le coup, est tenu de bout en bout. Exactement. Je sais pas ce que vous en avez pensé, ouais. C'est vraiment, ça démarre sur une petite minute de silence et là, en termes de crescendo, ce film est un modèle. Ouais. Voilà, vraiment. Alors, moi, j'ai été bluffée par ce film, même si j'ai des réserves sur des choses. Ce qui m'a vraiment bluffée, c'est que... Hein ? Chose, c'est presque truc. Ah hein, non, mais ça va, faut pas déconner non plus. J'ai des petites réserves, mais j'ai trouvé que le film, il était, c'était une prouesse, parce que tout repose sur l'intériorité des personnages, des choses hyper internes, des conflits internes. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Qui est quand même le truc... Ah non ! Ah, je reprends la parole. C'est un film en allemand et pourtant je l'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film qui m'a beaucoup surpris. Et justement là, je trouve que c'est effectivement un modèle aussi de personnages. On est tous, enfin, ils sont tous touchants, je trouve, les personnages. On comprend les raisons de tous, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment malin. La manière dont ils l'ont traité et le message, bah, pour moi c'est vraiment est-ce qu'on a le courage de nos convictions pardon, et je trouve que il est vraiment bien tenu et il est vraiment très intéressant. J'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher si ce n'est un tout petit détail, mais vraiment je trouve que j'ai vraiment rien à dire sur ce film, je le trouve brillant. Ok, Remix. Bah, ouais, juste par rapport aux personnages, je trouve que les personnages des méchants, entre guillemets, sont un peu caricaturaux, un peu manichéens, mais tout le groupe, franchement, ils sont tous hyper intéressants. Ah, tu n'as pas aimé le ministère de l'Éducation ? Ouais, voilà. Moi, je la trouve bizarre, la méchante, au contraire. Ouais, mais moi, je la trouvais assez glaçante. Non. Je trouvais qu'elle fonctionnait ouais, mais justement, bien. J'aimais bien que ce soit une méchante qui incarne... En fait, je trouve qu'elle incarne la complexité... Enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est toute cette histoire, toute cette ambiance de glissement d'une utopie communiste, etc., vers une dictature où on contrôle la liberté d'expression, la liberté d'information, où il faut toujours se justifier, parce que c'est un moment clé de l'histoire. Donc, 56, tous ces gamins étaient vraiment enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ils se réfèrent énormément à leurs parents. Ils ont quand même un passif extrêmement lourd. Enfin, moi, c'est le contexte que j'ai vraiment adoré. Je connaissais pas du tout ce fait divers. Ça, c'est vrai que je rebondis... Oui, pour t'appuyer là-dessus, j'avais jamais vu Je ne sais pas s'il y en a beaucoup justement de films qui se passent voilà, 5 ans avant la construction du mur, cette période vraiment de transition. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et vraiment très bien mené au niveau de la tension. Et tu vois vraiment le glissement effectivement, donc ça a été très bien réussi. D'habitude, on a toujours des films sur le mur de Berlin. Et pour moi, la première scène est vraiment superbe, où des Allemands qui commencent à fouiller le train, des mecs qui passent de l'est à l'ouest, et il y a un mec qui a une brosse à dents, il fait mais pourquoi t'as une brosse à dents? Ça veut dire que tu te barres, ça veut dire que tu vas rester là-bas. Et rien que ce petit détail montre le climat de tension qu'il y avait à cette époque-là. Exactement, moi j'ai ressenti le même stress que dans les innombrables films sur la Seconde Guerre mondiale, où il y a ces scènes de train et on n'a qu'une trouille, c'est que les nazis chopent les résistants ou les juifs qui essayent de s'enfuir. Là c'est exactement le même stress, c'est-à-dire les types de la Stasi, enfin je sais pas si c'est déjà des types de la Stasi d'ailleurs, mais en tout cas les flics d'Allemagne de l'Est, etc., ils réagissent de la même manière. On a l'impression que le vieil homosexuel là, qui se fait prendre et tout, on a l'impression qu'il va subir exactement comme s'il se faisait arrêter par la Gestapo. Et d'ailleurs, c'est un mot qui est extrêmement fort. À un moment, il y en a un des gamins qui dénonce l'attitude du gouvernement, des profs et tout, en disant c'est des méthodes de Gestapo. Et alors là, ça crée le tollé parce qu'évidemment, tu fais quoi? Mais tu sais ce que j'ai fait moi pendant la Seconde Guerre mondiale? Et il y a un côté, mon attitude exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale justifiera tous mes actes après, quoi. Il y a un côté, je n'ai pas été du mauvais côté à ce moment-là, je ne pourrais pas être du mauvais côté maintenant. T'es du mauvais côté, en fait, t'as glissé du mauvais côté. C'est ça, c'est que en fait, le film, il est du côté de ceux qui ont vaincu le nazisme et qui sont les gentils de l'histoire, et on a l'impression en permanence dans le film, dans une atmosphère de film de guerre, de film où on est encore dans le nazisme. Il y a quelque chose d'hyper troublant dans ce film où c'est oppressant, et alors qu'on est que sur des non mais nous quand on a niqué des nazis, ah ouais, ça te rappelle que eux c'est censé être les good guys, quoi. Oui, mais justement il y a cette super scène où ils sont dans un bar et puis ils emmerdent des Russes qui viennent leur courir après. Je me suis dit, ils vont les tabasser. Ils disent, non, est-ce que tu crois que ça nous amuse, nous, d'être ici? Nous, ça le fait chier. Nous aussi, on a envie de rentrer chez nous. On n'a pas envie d'être là, quoi. Et toutes les scènes, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de scène cliché, parce qu'il y en a quelques-unes, mais toutes les scènes sont quand même admirablement bien écrites sur le fait que tout le monde souffre, tout le monde est dans une situation impossible, quoi. Et surtout que nous, spectateurs, on sait comment ça va finir. On sait que ça va finir avec un mur qui va durer 30 ans. Et donc, parce qu'il y a ça, on a tellement envie qu'ils se barrent. On dit, mais barrez-vous. Même si, honnêtement, moi, à cette époque-là, j'aurais fait croire que c'était pour Pouchkas. Hein. J'aurais pas dit. C'est la solution qu'ils prennent, de toute façon. C'est, ils disent... Et d'ailleurs, ça a un côté un peu réussi en termes d'humour, d'ironie du film. Ils n'arrêtent pas de répéter. Dis donc, on n'a jamais vu une classe aussi enthousiaste pour le sport. Mmh. Parce qu'ils disent qu'ils ont fait 7 minutes de silence pour un joueur de foot hyper connu qui est mort. Alors qu'en fait, non, ils l'ont fait vraiment par soutien aux rebelles. Vous le connaissiez quand même Bien sûr, Guillaume. Pouchkas, oui, évidemment. Pouchkas. Oui. Non, mais Ballon d'or. Au-delà de ça, je trouve que le dilemme de tous les personnages justement est très réussi, parce que effectivement, comme tu le dis, on a ce savoir de spectateur qui dit mais barrez-vous, c'est la merde qui arrive, partez avec vos familles, t'as envie de dire prends ta famille et pars avec, quoi. Et c'est vraiment bien fichu, parce que tu vois ceux qui hésitent et tu les comprends tous, et même je trouve le Eric qui est le personnage un petit peu il est incroyable, hein. Il est un petit peu borderline, il a une super religion. C'est celui qui finit par prendre le fusil. Ah, le faillot, le fils de ce héros communiste, héros communiste. Là, c'est juste l'intrigue qui m'a posé un petit peu de problème. Le fait qu'on découvre que finalement c'était un traître qui a été assassiné et que le père héros qui a sa photo, on le voit venir. Le mec qui dort dans son lit avec sa petite photo en disant mon père, ce héros. Je l'ai pas vu venir. Par contre, ce que je reproche à cette intrigue, c'est juste que le père de Kurt soit lié, parce que là je trouve que c'était un vrai Deus, c'était deux révélations pour le prix du film. Exactement, et qui servait pas à grand chose en plus, et en plus il est juste sur la photo, et Kurt en déduit, je ne sais pas comment, que c'est lui qui a dénoncé l'autre père. Enfin, il y a un truc qui est pas clair. Ah, et du coup, je reprends sur une autre chose que je... Oula, je suis passée pas loin. ce que j'ai trouvé un peu inutile, honnêtement, c'est cette intrigue sentimentale de... Ah, oui. Alors, franchement, je vois pas l'intérêt. Merci. Moi, pas je vraiment... suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord, parce que en fait, justement, ce que je trouvais vrai, au début, je me suis dit comme toi, je me suis dit ils vont nous mettre la petite amie entre les deux super copains. Mais ce que je trouve super, c'est justement que ils tombent pas dans ce cliché là et t'as j'ai oublié son nom, le meilleur ami de Kurt, Théo, qui lui dit mais tu crois quoi, je crois que c'est ça qui est plus important que le reste, qui est plus important de notre amitié, que ce qui se passe dans cette classe, et je trouve ça très juste. Voilà. Moi, pareil, oui, je trouve que ça illustre hyper bien leur thématique sur la loyauté, sur, comme tu disais, est-ce qu'on a le courage de nos convictions, etc. C'est-à-dire qu'elle, elle finit par sortir avec l'autre parce que justement, elle est déçue de son copain qui, en fait, ne tient pas ses principes. Bah, elle va quand même vers celui qui reste fidèle à l'autre. Tout en même temps. Attends, à la fin, quand il assume devant la classe que l'autre s'est barré. Oui. Kurt, il a quand même le personnage qu'on nous plantait comme courageux, qui voulait assumer. Il a assumé jusqu'au bout. Oui, non, pour mais moi, il s'est pas défilé. Au contraire, c'est la bonne attitude de partir. D'ailleurs, ils partent tous ensemble après. Donc, oui, mais à la fin, Théo prend la responsabilité de commencer à dire oui, c'est moi. Elle le regarde avec des yeux genre ah ça y est, là t'es devenu un. Oui, non, mais c'est sûr. Oui. Là, elle a fait une petite erreur avec Kurt, mais elle va se remettre avec Théo. Voilà. C'est ce que je comprends. Mais donc finalement, elle est fidèle à ses principes, mais pas à son mec. Non, honnêtement, je vous trouve sympa avec ça. Ce triangle amoureux, pour moi, n'apportait pas grand-chose. Surtout que, comme tu dis, il est adulte, et il dit ma meuf m'a trompé avec toi, je m'en fous, j'en ai plein d'autres. Non, mais parce qu'il est vexé, c'est son meilleur ami. Non, pour moi, c'est comme c'est un film sur la loyauté et la trahison, du coup, je trouvais que le triangle amoureux était vraiment justifié. Même si, en effet, peut-être qu'il aurait pu être un tout petit peu mieux traité. Je suis d'accord, parce qu'il n'est pas très développé, mais moi, ça m'a touché, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Sarah, surtout qu'en plus, on voit qu'elle compte pour lui cette nana, il lui a fait un faux trèfle à quatre feuilles et tout ça. Et je les trouve touchants, et c'est aussi une histoire d'amitié, et leur amitié est très belle, et être fidèle à ce qu'on pense, je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est très justifié pour le coup. Bon, d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais votre avis sur les personnages féminins du film, parce que les mères sont quand même des carpettes, la fille est une traîtresse qui sort avec son pote, et l'allemande est quand même une nazie, on va le dire. Non, je pense qu'il n'y a pas un problème. Enfin, je me suis pas du tout sortie de ce film en disant oh, les personnages féminins sont ratés, ils sont sous-traités. Pas du tout. Je trouve qu'au contraire, ça montre quelque chose de la société de l'époque. Ça illustre hyper bien une société patriarcale où, en effet, les femmes n'ont pas leur mot à dire. Et pourtant, elle arrive à suffisamment influencer son fils. C'est elle qui prend la décision que son fils, Kurt, quitte la maison et se sauve contre l'avis de son père. Et c'est un peu, je crois, la même chose qui se passe dans l'autre famille. Je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, non, je trouve que. Ça illustre ce qui se passe dans cette société-là, quoi. Très patriarcale. Mais j'ai pas l'impression que c'est un problème de personnage. Oui, bon, pareil, c'est une question d'époque et je suis pas pour mettre des personnages féminins. Et Léna, pour le coup, elle embrasse Kurt, mais elle est aussi courageuse et elle tient ses principes et elle est intelligente. Et il y a d'autres filles dans la classe qui le sont aussi. Donc ça me dérange pas du tout. Et je suis pas pour mettre une femme forte, absolument pour mettre une femme forte quand c'est pas en adéquation avec la réalité historique quand tu fais un film qui parle d'une réalité historique. Ah, tu penses que Lara Croft n'aurait rien eu à faire dans ce film? Non. Mais c'est vrai que les pères. Ça n'a rien à faire dans aucun film. Non, mais c'est vrai que les pères sont des mâles alpha, comme j'en ai rarement vu. Hein. C'est des mecs, c'est eux qui dirigent la maison. Que ce soit le père du blond. C'est les années 50, en fait. C'est avant mai 68, c'est avant tout ça. Enfin, c'était une société comme ça. C'est vrai que nous, on a eu un grand débat après le film sur est-ce que. Parce qu'un de mes amis à qui je suis allée le voir m'a dit aujourd'hui, c'est tellement plus comme ça, t'imagines. C'est vraiment l'égalité et tout. Et t'es là, pas partout, en fait. Moi, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de réagir par rapport à ça. En parlant du père, on va parler. Qui est pour moi la meilleure scène du film, c'est quand alors c'est le père de Théo. Je me rappelle plus comment c'est le père, celui qui bat dans une fonderie. Ouais, le père de Théo. Que je trouve très touchant d'ailleurs. Non, mais celui qui bat dans une fonderie et son fils, il a tellement envie que son fils réussisse ses études qu'il lui fait. Qui pourtant, il y a des clichés. Je me dis, ils vont faire ça, mais il amène son fils dans la fonderie et le fils a cette réplique parfaite que moi j'aurais fait. Ah ouais, mais c'est cool en fait la fonderie, on n'est plus à l'école et tout. Et le soir, il n'arrive pas à manger ses haricots verts tellement, ou c'est des petits pois tellement. Cette scène est superbe pour montrer que tu vois, bosse à l'école. Sinon, c'est aujourd'hui, quand on passe dans les supermarchés, c'est tu vas finir caissier. À l'époque, c'est tu vas finir dans une fonderie. Hein. C'était quand même un petit peu plus dissuasif. Je trouve que le père de Théo est très touchant aussi. La mère de Kurt et le père de Théo sont. Ouais. Mais vous pensez pas, parce que en fait à un moment ça c'est aussi ce que j'adore dans ce film, c'est les dilemmes très déchirants à chaque fois entre rester, partir, tromper mon meilleur ami, suivre mes principes. Enfin, à chaque fois les personnages sont face à des dilemmes, et là en fait le père de Théo, il comprend en substance qu'en effet la meilleure solution ce serait peut-être de partir pour sa famille, mais que comme dit sa femme, il partira pas, il est né ici et il aime sa patrie. Donc c'est vraiment une espèce de dilemme entre la famille, l'avenir et le passé, la patrie à quel à laquelle on est attaché, pour laquelle on s'est battu, etc. Et ils regardent une photo de sa famille, et moi je me suis dit, ça y est, c'est bon pour eux, il va partir. Moi je pensais aussi. Et ils ont les bagages, ils ont tout, et ils font, ah, on va chez grand-mère et tout. Et là on comprend que il y a que le fils qui part, quoi. Et qui se reverront plus jamais. Et quand ils mentent aux petits-enfants, là, super. Elle m'a troublée, cette scène. J'ai vraiment cru que c'était une décision de famille de partir. Moi aussi. Et enfin, j'ai pas compris, j'ai mis du temps à me dire, hein, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. C'est pour ça qu'il est super bien, cette scène. C'est que tu crois qu'ils se barrent tous en même temps, alors qu'en fait, ils sont en train de dire adieu à leur fils devant ses petits frères et sa petite sœur qui ne comprend pas ce qui se passe. C'est deux frères. C'est deux frères. Qui ne comprennent pas ce qui se passe, que c'est probablement la dernière fois, sûrement d'ailleurs la dernière fois qu'ils ont vu son frère. Ouais, il y a un basculement dans la même scène, c'est assez. On va parler de mon autre scène préférée, qui est pour moi la scène préférée du film. Oui, j'en ai plusieurs, mais c'est un très bon film. Celle où. Alors, j'ai oublié le nom du personnage. Celui qui se barre, voire qui fait croire qu'il va à la tombe de son grand-père nazi. Courte. Qui se fait arrêter par le flic qui lui aussi devient inspecteur Columbo d'un seul coup. Et il a fugué pour que son père n'était pas d'accord. Et son père arrive et accepte de signer ce papier en disant je m'engage solennellement à ce qu'il revienne. Et là, c'est merveilleux. Et il serre la main de son fils en sachant très bien que c'est la dernière fois qu'il va le voir. Et il lui donne son approbation. Il dit vas-y, fils, fuis parce qu'en fait, tu as raison. Alors que j'étais contre toi pendant tout le film en disant tu es un petit con de jeune idéaliste, tu ne comprends rien et je vais te faire lire des articles de journaux pour que tu comprennes à quel point t'es con. Et à la fin, il lui serre la main en disant. Je pense que toute l'intrigue avec le père de Eric et le père de Kurt est là juste pour nous, comment dire, pour amener à cette scène d'adieu entre le père et Kurt qui il accepte aussi parce que il sait qu'il finalement il le porte ce poids de la culpabilité par rapport au père d'Eric. Moi, je le comprends comme ça. Ah oui, c'est possible que ce soit ça parce que j'étais pas totalement d'accord avec toi, Guillaume. Enfin, pour moi, ça a pas été une de mes scènes préférées, même si j'étais hyper rassurée, évidemment, qu'il laisse partir son fils. Mais c'était un peu happy ending, c'est-à-dire qu'il était très monolithique, il était là jamais. Enfin, c'était vraiment le père un peu méchant, enfin, qui. Enfin, t'as l'impression vraiment qu'il allait arrêter son fils, quoi. Que c'était lui qui l'avait dénoncé, qu'il avait appelé les flics en disant attention, mon fils est en train de quitter le territoire, il faut absolument que vous l'arrêtiez. Moi, c'est comme ça que je l'avais cru et je me suis dit oh là là, quel enfer. Et là, grand prince, il change de tout au tout et en plus, il s'engage à ce que son fils revienne. C'est-à-dire qu'en plus, il prend un risque pour lui, pour son fils. Non, mais j'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça aurait été beau. C'est un retournement énorme. Non, mais t'as raison. Pas très bien amené. Ah, mais non, ça aurait été beau que ce soit lui-même qui. Ils auraient dû faire ça. Ils auraient dû faire que c'est lui-même qui dénonce son fils, tout simplement pour pouvoir avoir l'occasion de lui dire adieu. Mais là, ça aurait été joué un peu avec le feu, quand même. Mais il y a deux scènes comme ça, je trouve, où il joue justement un peu... Il frôle le cliché, il frôle la scène un peu chamallow. C'est celle-là et celle où tous les élèves font un peu un... cercle des poètes disparus. Ah oui, tout le monde se lève en disant « moi aussi ». Mais je trouve qu'ils arrivent à le désamorcer, ce côté trop mielleux, par l'enseignante, enfin pas l'enseignante, la responsable de l'éducation là, qui dit « bon, vous êtes tous virés ». Et là, tu vois le sourire de héroïque qui descend sur leur visage. Je trouve que ça va parce qu'ils arrivent à faire ces moments qu'on a quand même envie de voir, hein, on peut pas se mentir, on a envie de voir cette solidarité. C'est c'est pas la vie, c'est pas. Non, mais surtout que c'était leur plan, ils avaient dit ils n'oseront pas tous nous virer. Donc si on reste unis, ils pourront rien faire contre nous. C'est pour ça que je trouve qu'ils désamorcent bien. Même le directeur dit, madame machin là. Oui. Directeur, très bon personnage lui aussi. Ah je sais pas, moi j'ai trouvé un peu en dessous. Ah non, moi j'ai trouvé. Justement, c'est là où ça démarre quand on parlait du crescendo. On n'en a pas parlé, mais c'est le moment où t'as le professeur qui a subi ses minutes de silence, qui est un gros con, vient voir le directeur en disant il y a eu ça et ça. Il dit bon, on va pas en parler, tais-toi et on saura jamais. Sauf qu'il l'a dit à un de ses collègues qui arrive, j'ai entendu dire qu'il y a eu ça, et tout part de là, quoi. Alors que le directeur présageait que ça allait foutre une merde innommable. Voilà. En même temps, mieux, ça les a obligés à partir. Et ils ont évité 30 ans de communistes comme ça. Ouais, c'est vrai. Allez, on termine avec le tour final. Fiona, ton avis sur ce film ? Je recommande chaleureusement, chaudement ce film qui est non seulement très intéressant sur l'histoire, mais qui en plus est une leçon de scénario et de personnage surtout. Très bien, Rumix ? Un copier-coller de la remarque de Fiona. Non, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, très touchant, très brillant. J'avais même envie de voir leur retrouvaille, j'avais pas envie de les quitter, moi. Ouais, c'est ça, quand le film est terminé, j'avais envie de continuer. Et en fait, surtout quand on sait que tout ça est une histoire vraie, c'est encore plus ouf, quoi. Ok, Sarah ? Oui, pareil, moi je recommande le film aussi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a touchée. Plus qu'on sait qu'ils ont tous eu leur bac, donc c'est un petit message à la fin. Ah oui, ils ont tous passé leur bac en Allemagne de l'Ouest. Après, c'est pour le coup, il y a un côté très hyper pro-Allemagne de l'Ouest. J'ai l'impression que la Allemagne de l'Ouest, c'est absolument le paradis. Et c'est vrai que là-dessus, ils n'ont pas fait de nuances particulières comme il pouvait y avoir dans Goodbye Lenin, par exemple. C'était super intéressant. Mais en même temps, ce n'est pas le sujet du film. Le sujet, c'est ce glissement vers la dictature. Et c'est vrai que ça s'est très, très bien traité. Donc, allez le voir. C'est vrai que moi, ce film, c'est la mort de Staline en moins drôle, quoi. Mais comme j'avais beaucoup aimé la mort de Staline. Ça n'a rien à voir. C'était pour rester dans le thématique. Il y a les Allemands. Voilà, excellent film. Excellent film, et allez le voir. On finit avec Les Courts et Fuyés, les recommandations de cette semaine. Fiona ? J'en ai pas. Rien ? Non, vraiment, okay. J'ai aucune idée, je suis désolée. D'accord, Rumix ? Moi, je vais recommander une BD qui est dans la combi de Thomas Pesquet, que tout le monde a dû certainement lire, mais que moi, je découvre cette semaine, et que je trouve très, très ludique, très sympa, très, très drôle, voilà. Écrit par Marion Montaigne, excellente BD. Exactement. Armand, rien, rien, aucune recommandation, rien. Je vais continuer de poser la question. Qu'est-ce que... Non. Sarah. Armand a visité une ville récemment qu'il a beaucoup aimée et recommande le musée égyptien de Turin. Si quelqu'un passe par là, je parle à sa place. Pour rester dans le sujet, il y a un musée du cinéma à Turin qui mérite vraiment le coup d'œil. Sur le cinéma tout ou le cinéma italien ? Sur le cinéma en général, okay. Voilà, qui a été bâti dans une grande église, et c'est assez impressionnant et c'est très, très intéressant. Ok, Sarah ? Et alors moi j'ai vu qu'il allait bientôt avoir le festival en plein air de la Villette avec La La Land en version karaoké le mercredi 16 juillet, j'y serai, j'espère que vous y serez aussi, 18 juillet pardon. Ça donne envie, Et ben moi je vais recommander un jeu vidéo qui s'appelle Paladin. Que je joue depuis un an maintenant, c'est le concurrent de Overwatch, c'est un MOBA FPS. C'est un excellent jeu, mais j'ai un message pour tous ceux qui jouent. Si vous avez le first pick, il faut ban les flanks, sinon je peux pas carry la team. Voilà. Si quelqu'un a compris, eh ben félicitations. Okay. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt.